trois heures. Tu sens les somnifères qui roulent au compteur. Attaché au comptoir, tu veux refaire le monde. Tu regardes le trottoir pour pas sentir la honte. Et plus de ta fais-toi, en haut tu gardes en bas. Une dernière nuit sans toi. Attaché à ton bras, le cœur dans la mesure, tu caresses des doigts pour ignorer la blessure. Attaché à ton siège, les jambes trop fatiguées, la tête comme à la neige, comme un bivouaqué. T'es plus tout à fait toi, d'en haut tu gardes en bas. Une dernière nuit sans toi. Et toi, d'en haut, tu regardes en bas. Une dernière nuit sans toi. Tout à fait toi.